Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Cercle. On se retrouve pour l'épisode de septembre. Alors cette fois-ci, nous avons perdu un de nos compères, ou plutôt une, puisque May est indisponible aujourd'hui, mais on est toujours avec l'équipe des mecs, les mecs, Kylvan. C'est ça. Voilà. La vérité, quoi. La vérité et Père Chapi. Bonsoir et surtout bonsoir à tous les otaki fans de mangas. Voilà, bien sûr. Hein, nous saluons toutes les populations, que vous soyez... non, allez, je vais pas commencer à parler de... non. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet sur lequel on voulait discuter depuis quelques semaines. C'est vrai que Chapi a donné ce sujet très rapidement et moi, j'étais extrêmement excité à l'idée d'aborder ce sujet puisque je voue une haine sans pareil aux jeux indépendants. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui, des jeux indépendants, hein, ces jeux qui ont l'attrait du sucre et puis qui sentent un petit peu la viande faisandée une fois que vous l'avez installé sur votre PC. Alors, du coup, aujourd'hui, on va se faire un épisode autour des jeux indés, on va aussi parler des campagnes Kickstarter. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, on va parler... Alors, Chapi va nous parler des jeux gacha. Si vous ne connaissez pas, enfin, si vous ne connaissiez pas, comme moi, ce que c'est un jeu gacha, eh bien, restez, on va en discuter. Et je vous parlerai de James Wan, le réalisateur de films d'horreur qui est très en vogue en ce moment et qui, avec la sortie du film The Nun, eh bien, a eu l'occasion de faire un petit point sur la série Conjuring, tout ça. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Donc, premier sujet, je vous le disais, on va parler des jeux indés. Et du coup, voilà, j'ai demandé à Chapi de nous faire un petit portrait du jeu indé pour savoir quelle est la différence entre un jeu indé et puis un jeu normal, j'ai envie de dire. En tout cas, on va... Un triple A, par exemple. Voilà, un triple A, un jeu d'éditeur, hein, disons. Vas-y, dis-moi. Un jeu de la passion, donc. Voilà, un jeu de la passion. Je voulais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. J'ai proposé ce sujet à Vincent. En fait, le thème un petit peu global, ce qu'on disait, c'est est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux indépendants, finalement, se foutaient pas un petit peu de notre gueule? Bon, globalement, pour rappeler la définition d'un jeu indépendant, normalement, un jeu est indépendant quand sa source de financement pour faire un jeu vidéo ne dépend que de lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas dépendre d'un éditeur et même, dans la définition la plus globale, ne devrait pas dépendre non plus de crowdfunding. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui se autofinancent eux-mêmes, sans dépendre de personne, pour faire un jeu. Un exemple assez connu que tout le monde connaît, alors même si ça restera quand même à vérifier dans les fondements même du financement, mais The Witcher 1, quand il est sorti, c'était CD Projekt qui a développé le jeu et qui a édité le jeu. Donc ça, on est d'accord. Pour parler d'un autre jeu, quand Shenmue 3 fait un crowdfunding et édité par Sega, on n'est plus vraiment dans du jeu indé. On est dans une espèce de microcosme, en fait, avec des financements occultes. Et donc, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est vraiment la base même du jeu indé. C'est pour ça que généralement, cette catégorie de jeu, c'est 3-4 personnes, voire un mec tout seul. Dans l'exemple le plus connu, bah, évidemment, c'est Binding of Isaac. Où bah, en gros, t'as un gars ou deux ou trois gars qui, dans leur cave, développent un jeu, le mettent en vente et directement perçoivent les revenus. Donc voilà, entre guillemets, pour la définition de ce qu'on voulait, qu'on pouvait entendre là-dedans. Voilà, donc oui, c'est, voilà, en effet, c'est du petit artisanat, hein, on va dire, par voilà, rapport aux grosses industries qui gravitent dans l'univers du jeu vidéo. Bon, c'est vrai que le jeu indé, bon, il a toujours été là, hein. On va dire que ce soit déjà avant qu'il y ait toute cette vague de jeux indé, il y avait évidemment les bootlegs, les jeux qui étaient repris, on connaît tous les jeux pirates, enfin, il y avait une grosse scène de jeux pirates en Asie durant les années 90. C'est vrai que c'est des jeux qui ont toujours été là, des jeux modifiés ou créés de toutes pièces par quelques personnes qui des fois reprennent des licences de manière un peu éhontée, bon voilà, mais ça a bien changé depuis le temps. En tout cas, le jeu indé, c'est vrai qu'on a, on va se demander un petit peu si ça nous prend pas pour des cons. Alors, pour dire tout simplement qu'on va pas non plus faire de la haine gratuite à longueur de podcast, hein, parce qu'il y a des jeux qui sont excellents et qui ont très bien marché. Mais c'est vrai que comme toute tendance qui a du succès, il y a quand même de beaux exemples d'arnaques qui sont assez impressionnants. En tout cas, on va commencer déjà avec des jeux qui ont vraiment bien marché. Je vais vous donner quelques titres comme ça, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez rapidement pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est fait de mieux dans le jeu indé. Alors j'ai pris des titres qui sont souvent cités dans les meilleurs jeux indés. Et puis vous allez me donner votre avis comme ça, voir un petit peu déjà si vous avez joué, puis si vous n'avez pas joué, ce que vous en pensez de loin. Alors il y avait un des premiers qui a vraiment bien marché, c'est World of Goo en 2008, qui était donc un plateforme puzzle. Voilà, c'est ça, un jeu où on devait créer des articulations avec de l'espèce de pâte à modeler ou pétrole, enfin un liquide visqueux. Et du coup, est-ce que vous avez essayé ce jeu, vous avez apprécié? Alors moi j'y ai joué, mais ce qui me surprend, c'est que c'est genre le plus celui qui avait marché ou un des premiers qui est cité, celui-là. Ouais. Parce qu'il est, enfin je vais pas dire récent parce que je sais pas combien il a. Non, il date de 2008. Ça va vieillir, mais 2008. Ouais. Ah donc ouais, il est quand même relativement récent, d'accord. Ok, moi World of Goo, je trouvais que c'était un très bon jeu, surtout que il alliait. Un gameplay qui était pas forcément hyper profond, mais qui était sympa, et un esthétique qui était vraiment très cool, parce que c'était un peu avant, il est sorti un petit peu avant la vague ou de la, ce que j'appelle la 2D HD. Oui. C'est-à-dire les jeux en 2D, mais avec des, avec une résolution hyper élevée et des fonds tochopés à mort, et où on n'a pas de, on n'a pas trop l'effet des effets de pixels. Et, ouais, il était plaisant, il était vendu peu cher. Et oui. Il était. Et t'en avais quand même pour ton fric, quoi. Moi, je trouve que c'était vraiment. Ouais, c'était un bon jeu. Ouais, c'était pas mal. Et Chapito, tu l'as joué à ce jeu ou pas? Alors, moi, j'ai joué un petit peu. Après, je vous avouerai que j'ai pas accroché. Ça veut pas dire que le jeu, je le trouvais particulièrement mauvais, mais c'est juste que ça n'a pas été ma cam. Et c'est juste qu'en fait, dans les années 2008, en fait, je jouais à un autre type de jeu que Vince connaît bien, d'un acronyme d'un éditeur développeur qui s'appelle Cave. Ah, je faisais que des jeux de shoot en fait, ouais, à l'époque, donc ça m'intéressait pas. Ok. Bon, on va reciter quelques titres qui ont particulièrement bien fonctionné dans l'univers du jeu indé. On va citer évidemment Minecraft hein, en 2009, qui a fait. Bah oui, non mais faut bien. Ah, il faut en parler. T'as pas le choix. Faut en parler. Hein, quand même, Notch qui a créé un jeu qui a été un véritable phénomène et qui a accentué sa dépression, malheureusement. C'est assez triste, hein, d'ailleurs, cet épisode. Enfin, c'est incroyable de voir que plus un mec gagne de l'argent, plus il est triste. Malheureux, ouais. Ouais. On a eu Super Meat Boy aussi, hein, un jeu ouais. Que beaucoup, beaucoup de gens ont apprécié. Moi, c'est bizarre, mais j'ai jamais accroché à ce jeu. La maniabilité, j'ai jamais réussi à m'y faire. Ah, ouais, jamais. Moi, je l'adore, Super Meat Boy, pour le coup, parce que c'est un jeu où... C'est un jeu de plateforme suffisamment bien fait, un peu comme un Mega Man, je trouve. Où c'est toi qui fais l'erreur, c'est pas le jeu qui a une maniabilité de chiasse. Ouais, ouais. Donc du coup, il était vraiment plaisant parce que tu sentais une vraie progression. T'avais une vraie progression dans les niveaux, dans le sens où la difficulté était augmentée en même temps que le joueur, mais sans le dépasser trop non plus. Oui, oui. Et du coup, ça faisait que c'était vraiment un très bon challenge. Et c'était vraiment drôle, enfin, c'était marrant d'y jouer à deux. Parce que, du coup, c'était très marrant de voir le mec mourir à l'infini et se foutre de sa gueule, quoi. Moi, vraiment, Super Meat Boy, j'ai adoré pour ça, moi. Je trouve que c'était un truc très drôle. Je rajouterais aussi un autre truc à son actif qui était positif. C'est que je trouve que, alors pour info, hein, moi j'ai connu le speedrun à travers Super Meat Boy. C'est-à-dire qu'avant je connaissais pas du tout. Je savais pas du tout que la discipline existait, qu'elle était très développée ou les trucs dans le genre. Et de par MV, hein, que tout le monde connaît, qui le renaît assez souvent, j'ai découvert qu'il y avait une catégorie comme ça de jeux qui existait. D'accord. Oui, non, mais moi, après, j'en conviens tout à fait. Hein. Le jeu est vraiment. Enfin, moi, j'adore le regarder speedrunner, justement. Je trouve que c'est vraiment hyper plaisant à regarder. Mais voilà, une manette dans les mains, j'arrive pas à m'y faire. Alors, évidemment, ouais, tu parlais des jeux comme ça avec une 2D HD. On peut parler aussi, évidemment, très récemment, là, de Céleste, hein, qui mise un petit peu sur le même style du pixel art. Mais on voit clairement que la résolution et la qualité de la fluidité fait que. On sait très bien que ça sortirait jamais sur une console 16 bits, par exemple. Mais c'est un jeu qui a apparemment été vraiment plébiscité par les joueurs. On a eu aussi Cuphead aussi, qui a été un jeu qui ouais. Avait c'est été... un jeu Microsoft, ça, non? Je crois pas. Hein. Ah bon? Moi, ouais, j'aurais pas cru qu'il était vu la qualité graphique, j'aurais jamais cru que c'était un jeu indé. Alors, je crois qu'il était exclu Microsoft au départ, mais c'était pas un jeu Microsoft. Hein. Je pense. D'accord. Bon, peut-être que je me trompe, okay. Mais pour passer aussi, on a eu Enter the Gungeon, qui était plutôt pas mal, un espèce de. Alors, ça aussi, on peut en parler. Bah, faisons une pause là-dessus sur les. Je te confirme que Cuphead, c'est Studio MDHR publié par Studio MDHR. D'accord, voilà, donc c'est un jeu. Après, ils ont juste eu peut-être une aide de la part de Microsoft sur le fait qu'ils leur ont peut-être donné les kits de dev à bas prix ou gratuitement sous réserve que le jeu sorte en priorité sur Xbox. Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, c'est d'accord. Vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux dans les jeux indés qui sont des jeux à génération aléatoire. Hein. C'est vrai que ça marche à fond la caisse. Ça, est-ce que les joueurs aussi en ont pas un peu marre de faire tout le temps ce style de jeu? Alors c'est vrai que ça s'applique la génération aléatoire, ça s'applique à différents styles de jeu, mais c'est vrai que les jeux indés quand même, ils aiment bien. Enfin, quand on voit le nombre de RPG ou de jeux d'action à génération aléatoire de donjons, c'est quand même. Enfin. Ouais, ça a même créé le nom d'un genre. C'est des roguelike. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. On appelle ça des roguelike maintenant, mais c'est un style de jeu qui est hyper répandu, ouais. Ouais, c'est fou quand même le nombre de jeux, parce que c'est ça aussi. Alors moi, pourquoi j'aime pas les jeux indés, c'est que déjà visuellement tu le vois tout de suite que c'est un jeu indé. Alors je sais pas pour vous ou si c'est moi qui ai un a priori, mais moi je regarde un jeu, je sais tout de suite s'il est indé ou pas, quoi. Alors à part The Witcher, d'accord, on est là, pourquoi pas. Mais on va dire que le peu de personnes qui travaillent sur les jeux indés font que visuellement de toute façon tu vois que c'est un jeu qui est le problème, c'est que, comme je disais au départ, quand t'es indé, tu t'autofinances. Donc, tu peux pas te payer une équipe de graphistes 3D où ils vont être 300 à faire de la modélisation. Mais oui. Non, mais je suis genre d'accord. Un Assassin's Creed. Moi, le problème que j'ai, c'est que, faire du jeu vidéo, justement, c'est un métier, tu vois, et que tu peux pas déléguer à 4 personnes, ce qui demande 200 personnes. Et c'est pour ça que moi, je vois tout de suite les jeux indés à chaque fois. Et je vois que c'est alors soit c'est des jeux donc qui soit visuellement ou au niveau de la musique ou au niveau du gameplay sont enfin il y a une faille, soit c'est des jeux qui au niveau de la durée de vie, même s'ils sont très bien, au niveau de la durée de vie tu te fais avoir, quoi. C'est pour moi, je vois tout le temps ces deux cas. Par exemple, tu vois Papers, Please, bon, c'est un jeu qui visuellement ne demande rien, mais justement la durée de vie elle est acceptable parce que justement il y a pas de travail sur le visuel, alors que ouais, puis le prix de Paper Please aussi, enfin, je veux dire, oui. Je crois qu'il était à moins de 10€. Voilà. Alors que tu regardes des jeux, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple de jeu qui dure 5 heures? Bah si, celui que t'avais parlé la dernière fois là, pareil, alors, qui était un donjon aléatoire. Bah c'est ce que je te dis. En fait, moi le truc où je trouve aujourd'hui que le jeu indé c'est vraiment une enfilade, mais c'est comme c'est pas permis. Alors évidemment, t'auras toujours des exemples où tu trouveras des studios indépendants qui font du job et qui font un excellent job. T'as parlé de Celeste, c'est vraiment le cas. Par contre, je trouve que t'as aujourd'hui des studios qui, enfin des mecs, qui font pas chier, qui ont un petit concept, qui développent un petit jeu dégueulasse où t'as torché ça en 5 heures, qui te balancent ça à coup de 20€, et tu te retrouves avec un jeu qui est pas fini, quoi, à un concept qui au bout d'une heure t'as fait le tour et que t'as payé 20 ou 25€, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le même problème. Et ça, aujourd'hui, tu prends le Steam, par exemple, t'as pullule de jeux comme ça, en fait. Hein. Mais oui. Là, c'était quoi le jeu? Comment il s'appelle ce jeu avec le mec qui était dans un pot là et avec son marteau? Ah, Get Over It. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, c'est typiquement ce genre de jeu arnaque, quoi. Tu vois, t'as une façade. Alors évidemment, tu regardes ça en stream, t'as un streamer qui est en train de jouer à ça pendant 5 minutes. Ça, j'allais dire, ça c'est un jeu pour faire des vidéos YouTube, celui-là. Il est. Bah oui, tu regardes ça, bon, c'est il marrant. Il est maléfique, celui-là. T'as envie d'essayer, quoi, normal. Et puis t'achètes le jeu 20 balles, et puis au bout d'une heure, bah t'en peux plus, quoi, parce que c'est tout le temps la même chose, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment un problème avec les jeux indés, quoi. C'est qu'on peut pas déléguer à 4 personnes ce qui demande 100 personnes. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui en pâtit. Enfin, ouais. Bah, après, comme je disais, après, t'as des cas, tu vois, typiquement Binding of Isaac, qui est l'exemple pour moi du jeu indé qui est au-dessus de tout, quoi. Parce ah, bah lui, que, bon, il a été touché par la grâce, hein, oui. C'est vrai. Là, mais si tu veux, sur la masse du catalogue que t'as, je pense que t'es en dessous de 1%, quoi. Tout le reste, pour moi, je suis désolé, mais c'est pas des pseudo-merdes, mais t'en es quand même pas bien loin. On est d'accord. Alors, moi, j'ai une vision un tout petit peu. plus sympa, parce que après je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est des jeux indé à proprement parler, mais je trouve que à l'époque de la Xbox 360, t'avais ce qu'on appelle les jeux uniquement Xbox Live Arcade. Ah oui. Qui oui. Pour moi en fait correspond à des jeux indé, puisqu'en fait c'est des jeux avec des, enfin je sais pas si en termes de définition pure, si on prend la définition de Chappie, ça rentre, mais pour moi ça reste quand même des jeux avec une équipe réduite. Où tu sens clairement le truc un peu plus fait main, quoi. Ouais, genre Castle Crashers, un truc comme ça. Ouais, et il y en a vraiment énormément que j'ai trouvé vraiment excellent. Genre, voilà, du coup là c'est pas un jeu Xbox Live Arcade, c'est un jeu PlayStation Only là, mais genre t'as Journey, qui est un jeu sur la PlayStation 3 que je trouve que graphiquement est superbe. Et t'avais Flower aussi qui était dans le même. T'avais Flower, ouais, mais Flower, je trouvais le Flower, c'était une grosse démo technique. Journey, je trouve que c'était un truc très artistique et vraiment bien fait. T'avais Brothers Tale of Two Sons, qui était génial aussi. T'avais après t'as d'autres jeux dans ce style. Je me souviens plus comment il s'appelle. C'était Outrunner ou Outlander, je me souviens plus. Qui étaient des, enfin t'as plein de types de jeux comme ça qui étaient en fait des jeux que tu voyais clairement que c'était des gens qui avaient une idée. Qui n'avaient pas forcément tout, ils n'étaient pas forcément suffisamment solides financièrement pour acheter les droits, pour acheter l'Unreal Engine du moment et et en gros avoir des développeurs pour pouvoir faire un moteur graphique sérieux et truc. Donc ouais. Du coup, tu te retrouves avec un truc un peu plus modeste, mais du coup, vu qu'ils savaient, ils partaient direct du principe qu'ils n'allaient pas perdre du temps à faire des graphismes forcément techniquement beaux, bah ça renforce en fait ton équipe de direction artistique. Ça fait que tu peux te concentrer sur le gameplay, tu peux te concentrer sur le gameplay. Et concrètement, tu sais que le jeu va être vendu moins cher du fait du support à l'époque c'était Xbox Live Arcade, t'avais aucun jeu qui dépassait 20€. Et donc en gros, tu te retrouvais en fait avec une super bonne value de ce que tu payais. Où tu te retrouvais avec des jeux qui étaient parfois plus longs que des jeux AAA de l'époque, surtout que la Xbox 360, on oublie vite, mais c'est quand même... Parce que bon, aujourd'hui, maintenant, les jeux AAA, il y en a beaucoup, c'est des open world, donc on peut se faire chier 20 heures dedans. Mais voilà, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Le jeu maître, c'était le shooter, comme Call of Duty et Modern Warfare. Donc du coup, on se retrouvait avec des jeux AAA qui étaient très jolis graphiquement. Enfin, et encore, je suis très très gentil en disant ça, mais on va dire... qui était quand même dans la moyenne graphiquement et qui était quand même un truc sympa, mais où t'avais des campagnes solo de 5 heures. Et à côté de ça, t'avais des jeux que, pour moi, que je considère comme du jeu indépendant, comme Dust and Elysian Tale, voilà, celui-là, j'avais oublié, t'as Dust and Elysian Tale, enfin, t'as plein d'autres jeux comme dans ce goût-là, qui étaient à plus de 10 heures de jeu, pour un prix de 20€, et même s'il a, ok, techniquement parlant, c'était pas forcément super joli, mais on se retrouvait quand c'était quand même des jeux qui étaient appréciables à faire. Et si le jeu indé, moi, c'était resté cette catégorie de jeu, c'est-à-dire les catégories des gens, ouais. on veut vous faire un jeu, mais on n'a pas les moyens d'être dans la technologie actuelle. Et donc, on le sait et on vous fait un jeu bradé parce que clairement, il respecte pas les normes de la génération de consoles en cours. Bah, j'aurais jamais eu de problème avec le jeu indé. Alors, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste ça, je suis complètement d'accord. C'est qu'en fait, les jeux indés qui ont une dizaine d'années, quoi, qui étaient complètement dans ce schéma-là, donc effectivement des jeux qui techniquement étaient moins évolués, moins puissants, si tu veux, mais qui dégageaient autre chose, en fait. C'est ça. Et là, aujourd'hui, en fait, le problème que t'as, c'est que là, maintenant, c'est le pot à merde. Hein. Enfin, t'as tout dedans, en fait. On parle pas mal de No Man's Sky, mec. Alors moi, je vais parler d'un autre jeu, mais je suis sûr que maintenant tu vas me suivre. Et même si je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais c'est un tocard, tu racontes. Moi, typiquement, Undertale, j'ai pas pu, quoi. Ah ouais, non, ouais, franchement, c'est pareil. Hein, là, c'est vraiment pas pour faire du, enfin, c'est pas pour être un hater. Hein, ah, mais... je suis vraiment pas d'accord parce qu'il est génial. Undertale. Eh ben, mais je l'ai détesté. Je suis vraiment pas d'accord. Mais après, oui, l'habillage est dégueulasse. Je suis d'accord. Ah non, mais j'ai trouvé l'habillage dégueulasse, j'ai trouvé les personnages mais nuls, quoi, vraiment. C'est rare que je sois aussi rebuté par un jeu vidéo hein, que tout le monde aime. En plus, c'est ça, je n'ai jamais compris. Perso, j'ai jamais compris le succès de... Moi, c'est vraiment le problème parce que les RPG, c'est quand même un peu ma came. Et bah j'ai essayé, j'ai joué 15 minutes et moi, graphiquement... Non, moi, j'ai joué au moins 3-4 heures, hein, mais... Non, mais moi, j'ai pas pu. Moi, j'ai rallumé ma NES. Ouais. Alors du coup, bon, le temps passe. Je veux juste qu'on parle aussi un peu des campagnes Kickstarter. Ah. Parce que c'est un aspect quand même détailler. Oui, parce que c'est une autre mode de financement aujourd'hui qui n'est pas par un éditeur. Hein. En gros, c'est le mode SDF, j'appelle ça. C'est, tu fais la manche et tu demandes du fric aux gens. Alors, voilà, c'est ça. Très à la mode. Hein, vous vous souvenez, dans les années 90, les sociétés produisaient des produits, hein, pour dire deux fois la même chose. Et après, quand ils étaient sur les étagères, eh bien, vous les achetiez. Et bien, aujourd'hui, non, le produit n'est même pas fait. On vous demande déjà de l'acheter. Vous participez. C'est ça, on va vous développer les jeux que vous voulez avec votre pognon. Voilà, c'est ça. C'est formidable. C'est une catastrophe. C'est formidable. Et le pire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que vous pourrez peut-être y jouer. C'est ce que les gens ont tendance à fortement oublier. Il n'y a aucune garantie. Hein, t'as zéro garantie, en fait. Tu files du fric, tu peux potentiellement jouer un truc, mais tu n'es pas sûr. Quoi. Voilà. Alors, je vais parler de plusieurs exemples de Kickstarter qui ont été des catastrophes ambulantes. Pour rappeler quand même que oui, vous donnez votre argent, mais il n'y a aucun retour sur garantie. Alors, dois-je parler ou reparler de catastrophe nucléaire? Non. Il a levé 4 millions en 2013. Oh, mais... 4 ans de développement, des retards en boucle, l'équipe qui a décidé en plus de reconstruire des éléments dans le jeu avec d'autres financements participatifs, re-Kickstarter. Donc on est sur Kickstarterception là, hein, c'est assez incroyable. La communication du jeu qui est absolument dégueulasse. Je vais te laisser le dire, Kylvan, le nom du jeu, parce que je sais que tu... Voilà, rien que de sortir ce nom là, ça va te brûler les lèvres. Oh, Mighty Number 9. Voilà. C'est pas consulté, hein, mais c'était. Voilà. Sûr, c'était... Et en plus, il y a double pilule de Keiji Inafune, hein, un des co-créateurs de Megaman. Il faut savoir donc, en 2013, il sort le Kickstarter, donc avec 4 millions pour Mighty Number 9. 2 ans après, donc les fans hyper inquiets, jeu toujours pas sorti, ça a l'air visuellement c'est du caca. Le mec ne perd pas patience, hein, quand même. Il sort un Kickstarter pour le jeu Red Ash, donc qui est un jeu d'action aventure, qui est avec le même designer graphique que Megaman. Comment s'appelaient les jeux sur GBA déjà? Les jeux de Battle Network. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le même directeur graphique, enfin le même dessinateur, quoi. Et le mec sort un Kickstarter en même temps que son jeu qui est en train de foirer. Donc, du coup. Les gens sont quand même voilà, ils s'en prennent plein les fesses, mais au bout d'un moment, ça fait mal. Hein. Il n'y a plus de place, quoi. Voilà. Donc évidemment, le jeu a complètement fail sur Kickstarter, et 2 ans après, Mighty No. 9 sortira. Voilà, 4 ans de développement, 4 millions. Dans l'indifférence totale. Voilà, exactement. Voilà. C'était fini. Est-ce qu'on dit que Bloodstained va prendre probablement le même chemin? Alors moi, justement, j'allais en parler parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de ce jeu. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Bloodstained, c'est un des développeurs de... Alors je sais pas s'il était développeur ou créateur, enfin bref, une des personnes importantes dans la série des Castlevania, voilà, qui était les Castlevania en version Metroid, qui a décidé de faire son jeu, qui est un hommage évidemment plus qu'appuyé au Metroidvania, hein, c'est... Vraiment visuellement, c'est quasiment la même chose. Et donc oui, ce jeu a été destiné à un grand succès, mais du coup, il y a des soucis, Chapi. Eh ben écoute, là je suis sur la page Kickstarter. Donc juste pour rappeler, hein, donc le gars avait demandé 500 000 $, il a eu 5,5 millions. Oh, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Initialement, date de livraison prévue mars 2017. Oh ouais. Voilà. Et donc récemment, en fait, là, il y a une bêta, en fait, qui a été sortie pour les gens qui avaient fondé le jeu, et la démo est immonde. Enfin, il y a même pas de mots. L'animation est catastrophique. Les bruitages sont dégueulasses, et les screens du concept art n'ont juste rien à voir. D'accord, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc en gros, ça sent le Mighty No. 9 en puissance. En puissance, voilà. Okay. Bon, je dis juste, par exemple, pour la blague, il y a quand même 4 personnes qui ont donné 8 500 $ pour jouer à ce jeu-là. Oh, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Alors moi, j'ai une question, parce que je ne le remets pas, Bloodstained. Est-ce que Bloodstained, c'est celui qui a les mêmes graphismes que Castlevania NES? Alors, non. Alors ça, en fait, c'est ce Bloodstained-là que tu vois, c'est en fait, c'était une pré-release qu'ils avaient fait. C'était juste pour faire une espèce de démo technique de ce qu'ils pouvaient faire. avec le moteur de l'époque, etc. Donc le jeu, par contre, celui-là est très bien. Oui, parce que celui-là, je l'ai vu et je trouvais que ça avait l'air bien. Donc, ça, je suis voilà, assez... donc le jeu était plutôt cool. Mais derrière, si tu veux, ils ont dit non, mais en fait, ça c'était juste pour un petit peu rigoler, quoi. C'était le rigolol. Mais là, la démo de Bloodstained, et voilà en gros à quoi va ressembler le jeu. Et je peux te dire que j'ai vu 2-3 personnes y jouer qui avaient filé du fric pour y jouer. Et je peux te dire que pour l'instant, je pense qu'ils se bouffent les couilles. Hein. Mais amèrement, quoi. Je viens de checker, là, le jeu il n'est pas prévu avant 2019. Hein. Donc ça veut dire. Voilà, donc le jeu il a 2 ans de retard. Ouais. C'est. Voilà, c'est triste, hein, putain, parce qu'il était prometteur. Bon, il y a un autre jeu aussi sur lequel je mise des espoirs, c'est Blasphemous, le jeu d'action-aventure qui ressemble à Castlevania, mais en plus gore. Avec des beaux graphismes. Et avec le personnage qui a une tête de espèce de perceuse là. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais. Vraiment, il a l'air pas mal. Le thème me plaît beaucoup. Et puis, visuellement, je trouve que ça a l'air plutôt intéressant. Enfin, avec beaucoup d'occultes et de visuels blasphématoires, hein, évidemment, comme son nom l'indique. Mmh. Mais ça me tente. Alors, pour continuer dans les trucs qui ont fail, il y a eu une volonté de refaire un Night Trap. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le jeu Mega CD ? Oui, tout à fait. Oh, merde. Le jeu qui était en, oh. En séquence motivé, les mecs, hein. En séquence vidéo. On se rappelle tous, hein, c'est un des jeux les plus emblématiques. D'ailleurs, il y a une femme connue qui a joué dans Night Trap et j'arrive plus à me souvenir c'est qui c'est. Je l'ai vu récemment l'anecdote et mais je me suis dit putain elle est hyper connue cette meuf et du coup elle joue dedans, c'est incroyable. Mais en tout cas ils ont voulu refaire donc un Night Trap, ils ont demandé 330 000 dollars et là le Kickstarter n'a même pas réussi à atteindre ce niveau, mais ils avaient quand même réussi à avoir 160 000 dollars je crois, un truc comme ça. Et puis bon, les signes de développement étaient mais tellement alarmants, enfin franchement c'était comme Bloodstained, c'était absolument dégueulasse. Mais en même temps j'ai envie de dire, qui a envie de rejouer à Night Trap aujourd'hui, je ne sais pas, avec de la vidéo en 120x120. Les full motion vidéo, la FMV. Ouais, c'était la folie. Et on va finir le plus bel exemple, je trouve, hein, parce que Mighty No. 9, bon, c'est vrai qu'au niveau des sous, Mighty No. 9, c'est une des plus grosses carottes. Mais pour moi, enfin, je pense d'ailleurs que Star Citizen, c'est pour moi la plus grosse carotte intersidérale des Kickstarter. Star Citizen, qui est donc un jeu qui voulait à la fois mêler une campagne solo époustouflante dans un univers SF avec un côté multijoueur qui ressemble à du MMO. Enfin voilà, les développeurs voulaient faire tout. Voilà, tout simplement, ils voulaient faire tout. Un jeu qui a été donc lancé sur Kickstarter en 2012. Hein. Je rappelle qu'on est en 2018 aujourd'hui et que le jeu n'est toujours pas sorti. C'est donc un jeu qui avait vraiment mais des ambitions absolument incroyables. Alors là, le jeu actuellement est en pré-alpha ou alpha. Je me souviens plus quel stade, mais en tout cas, c'est un stade qui ne mérite évidemment pas d'y jouer. Il faut savoir que dans le jeu, vous pouvez acheter des vaisseaux, puisque c'est un jeu d'exploration, d'aventure dans l'espace, et que les vaisseaux, eux, s'achètent avec du vrai argent. Et les vaisseaux peuvent aller de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers. Et il y a des joueurs qui jouent à un jeu en alpha et qui ont mis 3 000-4 000 dollars dans un jeu, enfin dans un vaisseau, dans un jeu en alpha. Alors c'est pareil, on peut se demander quel est, pourquoi, comment, je ne sais pas. Vraiment, on met 4 000 euros dans un vaisseau, dans un jeu qui n'est même pas sorti et qui ne sortira probablement jamais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quand même un moment l'indécence, elle est présente, quoi. Bah, moi, je pense que tout ça, enfin tout le truc, en fait, c'est juste un attrape couillon pour les fans. Enfin, je veux dire, Shenmue 3, c'est la même mécanique, en fait. C'est tous ces jeux-là, en fait, où tu te bases sur, c'était une fanbase, en fait, et tu leur fais miroiter qu'ils vont avoir le jeu qu'ils ont toujours rêvé, parce que Star Citizen, en fait, c'était censé être le WoW du futur, en fait, le WoW SF, quoi. Et donc, notamment tous les fans de SF et de tout ce qui est saga galactique et qui aimaient les MMO, ben ils sont allés et ils les ont fait saliver et les mecs crachaient au bassinet, quoi. Et après, ils étaient baisés. Mais c'est comme les mecs qui ont mis du fric dans Shenmue 3 et puis qui ont vu les premiers screens. Oui, forcément. Ouais, moi, je trouve que Star Citizen, c'est vraiment dégueulasse parce que en fait. Les premiers visuels, en fait, ils ont récupéré de l'argent pour funder leur truc. Ils ont acheté, enfin, ils ont fait une petite démo technique, en gros, d'un petit concept qui était très joli avec une planète, un vaisseau, etc. où t'avais de la 3D qui était, on va dire, de bonne facture pour l'époque. Et donc, du coup, ça a donné envie aux gens de dire, ah ouais, donc du coup, il y a quand même un truc qui est déjà joli. Genre, en gros, ils ont besoin d'argent pour, en gros, maintenant faire le jeu, quoi. Et mais dans le sens où en gros, ouais, en gros, il reste, ouais, il y a quelques petits bouts à faire, mais je veux dire, le moteur du jeu est fait, et donc du coup, il faut maintenant qu'il crée une aventure, un machin, un truc. Et moi, je trouve que ça, c'est là où en fait la fourberie vraiment extrême, c'est-à-dire qu'en fait, c'est clair et net que l'ambition du jeu, il a 30 ans de, enfin, il est enfin, le Kickstarter a fait 30 ans trop tôt, quoi. Enfin, oui. tu ne peux pas envisager à faire un jeu où, en gros, à peu près tout le monde pourra y jouer avec des bécanes, pas des trucs, avec des psys qui sont pas 4000 euros, avec ce qu'ils disent, en gros, ils vendaient le truc comme quoi, en gros, tu prenais ton vaisseau, tu t'allais tout droit vers la stratosphère et tout, sans temps de chargement, sans rien, t'allais pouvoir aller voir de planète en planète. Derrière ça, ils allaient faire croire qu'en gros, ils allaient aussi faire une campagne solo. Donc, c'est-à-dire payer toute une équipe de développement de plusieurs millions d'euros pour pouvoir, en gros, avoir un jeu qui tient la route à la façon, je sais pas, d'un Deus Ex Mankind Divided ou un truc comme ça. Enfin, c'est du mensonge pur et simple, quoi. Ça ne fonctionne pas. En fait, on marche sur la tête. Soit tu fais un truc de gestion spatiale avec une gestion de vaisseau propre, soit tu fais un truc où en gros tu peux visiter un truc où tu visites en gros un système solaire, ou soit tu fais un RPG futuriste, mais tu peux pas tout mélanger. D'ailleurs, c'est beaucoup, enfin c'est je comprends pas comment on a pu se faire avoir avec une campagne comme ça. Et en plus, oui, ils ont des prix mais ridicules, avec des items in game que tu payes, et enfin, au bout d'un moment, enfin, faut quand même se poser 5 minutes et se demander, mais en gros, où est-ce que va l'argent, quoi? Parce que ça fait 6 ans qu'ils vous montrent des trucs, et le jeu, il avance quasiment pas. Là, t'as des connards, c'est un peu méchant, mais t'as des connards, en gros, qui montrent des vidéos de l'alpha du jeu, où en gros, tu vois clairement qu'en gros, les mecs, ils ont passé un mois à coder un pauvre bouton dans le vaisseau pour pouvoir resizer, genre, je sais pas, les ailerons du côté de ton vaisseau, où tu peux t'avancer sans aucune, et tu peux maintenant bouger le vaisseau et t'as aucune impression de vitesse et tout. Enfin, tu vois bien que c'est complètement utopique et ça ne fonctionnera jamais. C'est pas possible. Ah, ou alors, faut vraiment que ça devienne un truc, et en gros, ça devient un espèce de jeu qu'on devra payer 200 balles, en plus de tout le Kickstarter qu'on a fait. Mais c'est pour moi, ce jeu-là, c'est vraiment l'opposé du spectre, mais c'est tout aussi déconnant qu'un pixel art de merde, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, c'est l'autre niveau d'enculerie, quoi. Pour moi, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots et se servir de la crédulité des gens. Moi, je pense qu'il sortira jamais. Et je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Franchement, pour moi, ce jeu-là, c'est une honte absolue, quoi. On est d'accord. Bon, malheureusement, on n'a pas trop le temps de continuer, mais c'est vrai que voilà, bon, c'est quand même. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a, comme No Man's Sky, de toute façon, hein, il y a vraiment, il y a une communication mensongère dans beaucoup, beaucoup de jeux, et c'est pas. Enfin, au moins, No Man's Sky, No Man's Sky est sorti et ça reste un jeu malgré tout. Oui, même oui. Si. Mais je veux dire, c'est des pratiques qui sont plus acceptables. Ouais, les pratiques sont dégueulasses, mais le jeu est sorti, même si c'est pas exactement ce qui était prévu. Ça reste. Tu achètes quand même un jeu. Là, pour moi. Star Citizen. Ah oui, non, on passe un jeu. Ouais, ouais, non, on est un niveau encore, encore au-dessus. Mais bon, voilà, c'est pour ça que on n'est pas non plus fan de ce type de pratique. Je pense que vous comprenez le point de vue. Alors, on va passer à la deuxième partie. C'est vrai qu'on aurait pu discuter encore longtemps, mais c'est vrai que le temps passe vite, malheureusement. Et donc, on va passer à la deuxième partie, et je vais laisser Chapi, il va nous parler un petit peu des jeux gacha, pardon, excusez-moi, des jeux gacha, donc, que je ne connais pas, mais que je vais découvrir avec vous, par l'intermédiaire de Alors, très rapidement, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça les jeux à gacha? Ben non. C'est le nom des gachapons, c'est les trucs où tu mets 2 balles, là, où t'as une sucette et un petit jouet. Alors Vincent, t'as sûrement eu quand t'étais petit, tu sais, t'avais des espèces de grandes boîtes, il y avait plein de boules à l'intérieur, tu mettais une pièce de 10 balles. Tu tournais et puis t'avais une boule. Ouais, et ouais. En fait, dedans, bah, t'avais un personnage. Où, pour les filles, il y avait des bagues, je me rappelle, en plastique. Mm. Et en fait, au Japon, ils appellent ça gachapon parce qu'en fait, quand tu tournes le truc, qui va permettre de faire tomber la boule. Les Japonais disent que ça fait le son gacha, et quand la boule tombe, ça fait pon. D'accord. Donc gachapon, en fait, tout simplement. Okay. Donc les jeux à gacha, en fait, c'est à la base, c'est des jeux où tu as une forte donnée composante aléatoire dans le jeu. Donc la grande mécanique, c'est les jeux téléphone portable, où tu dois composer une équipe et que tu auras systématiquement deux mécaniques. La mécanique free, où c'est des personnages peu puissants, qui vont pas être game changer, mais qui vont permettre de commencer, de jouer un petit peu, etc. De façon à tapater, pour après aller taper dans les personnages qui, eux, vont nécessiter d'utiliser des ressources, alors que tu peux choper difficilement dans le jeu ou que tu peux acheter avec de l'argent. Et ces ressources-là vont te faire ce qu'on appelle des pools. Donc, tu as, par exemple, pour 50 Dream Ball sur Captain Tsubasa, bah, tu peux tirer, en fait, 10 personnages. Et dans ces 10 personnages, tu as une probabilité variable d'obtenir des personnages plus puissants que les autres. D'accord. Donc là, comme tu joues un paquet de cartes Magic. Ou... Voilà. Donc là, Vincent vous mettra un petit visuel dans la vidéo, en fait, que j'ai montré là. Bon, typiquement, vous jouez à Captain Tsubasa, le jeu de foot, vous devez composer une équipe de 11 joueurs. Et il vous faut un goal, des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants, etc. Donc vous utilisez votre tir gacha à coup de 10 personnages. Donc là, vous avez 3% de chance par tirage d'avoir un personnage qui est plutôt fort, plutôt très fort, dans une liste de personnages très fort. Et donc, bah, avec ça, vous devez avoir votre équipe de personnages les plus puissants possibles. Donc, c'est typiquement un pay to win. Plus tu as de l'argent, plus tu consommes de l'argent, plus tu as des chances de faire des pools, plus tu as des chances d'avoir des personnages puissants. Donc, après, le niveau de baise dépend du jeu. Typiquement, Captain Tsubasa, c'est un peu compliqué parce que quand, par exemple, tu as un super attaquant, mais tu as un gardien tout pourri, ben tu es tenté de remettre de l'argent pour refaire un pool parce que tu as absolument d'avoir un gardien au niveau. Mais ça, on va dire, bon, c'est la mécanique du gacha. Jusque-là, moi, elle me dérange pas plus que ça, en fait, bon, même si c'est quand même une sacrée enculade. Là où ça me pose plus un problème, c'est quand c'est des gachas qui ont un système de matchmaking online. Où là, on va essayer de t'expliquer que faire du online, c'est vachement cool, c'est sympa. Alors, vous en connaissez probablement plein. Vous avez, voilà, toi, tu connais, il y a Clash Royale aussi. Vous avez, qu'est-ce que d'autre, il y a du jeu. Enfin, il y a tous ces jeux-là, en fait. Voilà. Une composante online, et on vous fait croire que le online, en fait, il est vachement bien. Et évidemment, si tu grindes le online, bah, tu as plus de chances de pouvoir récupérer tes fameux éléments qui vont te permettre après de pool des personnages. Le problème que tu as, c'est qu'en fait, et ça c'est un peu mon gueule, enfin, faut pas se leurrer, les éditeurs, ils n'en ont rien à branler de vous, en fait. Et le online, ils s'en tapent, en fait. Le problème que tu as, c'est qu'ils se doutent bien que les personnages, qui vont vouloir des personnages, des équipes hyper puissantes, hyper fortes, vont cracher au bassinet. Ils vont acheter. C'est pas le problème. Statistiquement, les personnages qui donnent le plus, ce qu'on appelle les baleines, hein, dans le milieu, il y en a à peu près, je pense, entre 1 à 10% en fonction des jeux. Mais rien que ces mecs-là financent complètement le jeu, en fait. Donc, en dehors, c'est, je crois que des baleines sur Tsubasa, il y en a quasiment 2%, je crois. Mais ces 2%-là, en fait, rendent déjà le jeu rentable. Donc, tout le reste, en fait, que vous avez, de toute façon, c'est que du gain pour eux. Donc, c'est des jeux hyper, hyper rentables. Donc, les mecs qui se plaignent qu'il y ait des bots ou qu'il y ait des modes qui permettent de jouer avec des stats infinies ou des trucs dans le genre. Des gens qui trichent. Ouais, des gens qui trichent ou des trucs dans le genre. Ils se disent, ouais, c'est dégueulasse, l'éditeur fait rien. Mais en fait, ils en ont rien à foutre, en fait, l'éditeur. Parce qu'ils savent bien qu'il y a des gens qui trichent. Mais les gens, en fait, vont continuer. Les fameuses baleines, elles, ont des équipes qui sont tellement fortes qu'ils s'en tapent. Ils vont continuer à claquer du fric et donc pas besoin de réguler le jeu. Un event qui est de dire, bah voilà, pendant une semaine, tous vos stats sont doublés, donc l'expérience est doublée, vas-y, joue à fond. Les serveurs sont complètement implosés parce qu'il y a beaucoup trop de connexions, le jeu se casse la gueule, les gens se plaignent, l'éditeur s'en fout. Qu'est-ce qu'il en a à taper? Bah ouais, effectivement, t'as raison, c'est dommage, pendant une semaine, ça marchait pas bien. Tiens, je te donne un ticket pour pouvoir faire un pool gratuit de une fois. Les gens sont contents, ils ont leur pool, et puis terminé. Donc, en fait, ces jeux-là, essentiellement, c'est de la merde, en fait. C'est vraiment de la merde. Et ça, j'avais vite compris, ça. Sur, en fait, le fanbase des gens. Donc voilà, t'aimes Tsubasa, t'aimes Yu Yu Hakusho, t'aimes Dragon Ball, t'aimes ces catégories-là, t'aimes les jeunes filles avec des petites jupes courtes et qui font des chanteuses. Donc, en fait, les gars se mettent dessus et vont, en fait, claquer tout leur fric. Et peu importe après, si le jeu est équilibré, pas équilibré, si online il est dégueulasse ou pas dégueulasse, s'il y a des mecs qui trichent de tous les côtés, de toute façon, dites-vous bien que c'est cette fameuse portion de baleine. Et aujourd'hui, quand tu montes un jeu, ce qui vise avant tout, c'est ça. Il faut que la proportion de baleine soit entre 1 et 10%. Plus t'es proche de 10%, plus tu fais un max de fric. C'est triste. Moi, j'ai tellement, je l'avais dit, hein, mais j'ai tellement l'impression d'entendre le descriptif de Paladin, quoi. C'est vraiment triste, quoi. Enfin, ce jeu, je l'adore, j'y joue toujours parce que, voilà, je pense que du moment que le fun prime avant tout, il faut, tant que tu t'amuses, tu joues, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est tellement ça, les développeurs qui n'en ont absolument rien à secouer, qui sortent des personnages qui sont moitié fumés et qui ne les rééquilibrent pas au patch d'après, alors que tout le monde attend le rééquilibrage, enfin des trucs comme ça, c'est vraiment évidemment, on parle pas des boîtes et tout ça là où vraiment les prix sont complètement flingués. Enfin, c'est triste. Hein. Franchement, moi j'ai eu la chance parce que pour parler de ce jeu, j'ai eu la chance parce que moi je l'ai pas crowdfundé, mais j'ai acheté le pack fondateur à sa sortie en bêta. Et du coup, c'était un pack où tu payais 15€ et tu avais tous les persos futurs gratos à vie. Ouais. Donc ça, c'était le bon plan pour ceux qui aimaient le jeu quand il est sorti. On achetait ça et puis. Ouais, j'ai la même chose sur Smite. Ouais, voilà. Et donc du coup, ça, cool, bon plan. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, ceux qui n'ont plus ça. Alors déjà, ce pack-là est toujours présent, mais il coûte 50 balles maintenant. Et du coup, tous ceux qui n'ont pas pété les 50 balles, forcément, ils doivent racheter les persos, sachant que évidemment, chaque perso qui sort est quand même hyper fort. Je veux dire, sur Paladin, là, on a eu coup sur coup le meilleur soigneur, mais vraiment de loin, et le meilleur flanqueur donc DPS, un des meilleurs. Vraiment, il est vraiment dégueulasse. Donc voilà, moi je déteste ce genre de jeu, et c'est pour ça que je joue jamais sur portable. Parce que on est adulte, hein, on voit comment les jeux sont développés et puis vers quoi ils veulent t'emmener. Mais c'est vrai que autant je peux jouer un petit peu à Paladin Strike parce que j'ai débloqué un ou deux persos vite fait. Mais c'est vrai que tout ce système d'engranger de l'argent avec plusieurs currencies dans le jeu, donc des fois c'est pas très clair, tu sais pas trop ce qu'il faut dépenser. Enfin, quand il faut le dépenser. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, moi je trouve que c'est des jeux avec des systèmes très opaques et qui sont, qui sont faits pour te faire dépenser du fric, quitte à ce que tu dépenses des trucs dans le jeu où tu comprends pas, enfin où tu dois pas dépenser, mais t'as quand même dépensé, t'es un peu vénère, quoi. Après, t'as un autre truc assez rigolo. Donc, pour donner un exemple de coût, hein. Donc sur Captain Tsubasa, tu m'arrêteras Kevin si je me trompe, et un pool à 10, donc 10 tirs à 3% de chance, c'est 50€, quoi. Oh. Ouais, c'est en gros, c'est un tout petit peu moins que ça, mais c'est pendant les promotions. Alors, les promotions, hein, attention, tu payes 27€ pour avoir 45 billes et c'est 50 billes le tir de 10 joueurs. D'accord. Et donc voilà, ça fait. Et ça, c'est en promo, c'est-à-dire que hors promo, c'est 50€. Et du coup, juste si c'est pas indiscret, vous savez à peu près combien vous avez dépensé dans ce genre de jeu ? Moi, j'ai dû mettre, je pense, 60-70€ le prix d'un jeu, en fait. D'accord. Moi, j'ai mis un peu plus, je pense, parce que j'ai mis. J'ai dû mettre un peu plus de 100 balles. Ok, 150, je dirais. Bah, en fait, je prends ça comme un abonnement. C'est genre, je prends justement ces billes à 27€, voilà, et j'y joue depuis janvier. Un peu plus. Ouais, mais bon, tu vois, comme quoi c'est, c'est vraiment fou. Accumuler, ça va vite, hein. Ouais. Après, juste un truc pour la petite histoire. Après, je laisse parler Sylvain. Juste quand même savoir qu'en fait, il y a des gens qui jouent à ces jeux, non pas par plaisir, mais pour revendre leur compte. Ah ouais. Et là, typiquement, je vois un mec qui est en train de revendre un de ses comptes, Captain Tsubasa. Ça se vend 2 500€ quand même. Oh la vache. Putain. Bon, par contre, il a une équipe d'enculés, hein. Il a même des équipes d'enculés. Mais voilà, mais tu vois, en fait, t'as du business aussi par rapport à ça. Ouais. Non, mais on se rend pas compte, ouais. c'est assez hallucinant, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, je vais parler vite fait de mon sujet parce qu'il nous reste. Il nous reste pas. Ah, j'ai pas le temps de parler. Oui. Oui, j'aurais bien aimé juste dire 2-3 trucs sur les gachas. Vas-y, non, ah oui, excuse-moi, vas-y, Kylvan. Alors, juste. Alors, moi, les gachas, j'ai deux. Moi, j'ai 3 problèmes. Premier problème, et sur certains, c'est que effectivement, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher et c'est dangereux pour. Encore, nous, on est vieux, on connaît un peu, on sait, on a quand même une notion de l'argent, mais un gamin qui a la carte bleue de sa mère dans son Google Play, ça peut vraiment partir en couille, quoi. Je pense que tu peux très facilement dépenser 1 000, 2 000 euros pour avoir ton perso, pour avoir ton personnage sur Tsubasa, ça, hein, c'est quelque chose qui est faisable. Parce que bon, vu que c'est entre 3 et 5% de chance, tu fais le calcul, hein, ça veut dire que pour 1000 billes à 50 euros, les 50 billes, t'es même pas sûr d'avoir ton personnage. Enfin, ça peut vraiment, ça peut chiffrer des montants qui donnent le tournis, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc qui va pas. Deuxième truc, ce sont des jeux qui demandent quand même, malgré tout, pas mal de temps de jeu, malgré tout. Alors, c'est paradoxal, parce que c'est du temps de jeu où, en fait, t'as juste à cliquer quelques boutons pour lancer des trucs. Mais ça te demande de... Tu cumules sur toute la journée, ça fait quand même un certain temps, quoi. Donc moi, c'est vrai que moi, c'est le genre de jeu que j'y joue quand je suis, quand j'ai des trous au travail, quoi. Parce que c'est juste cliquer, relancer des trucs, etc. Mais c'est vrai que par exemple, quand j'étais en congé, j'y jouais beaucoup moins parce qu'en fait, bah oui, t'as du temps libre, t'as d'autres choses à faire, bah du coup, faire des trucs répétitifs, t'as pas forcément envie, quoi. Donc c'est ça, ça prouve que bon, c'est vraiment un jeu bouche-trou quand on se fait chier dans le RER, quoi. Plus qu'un vrai jeu avec un, même si bon, le Captain Tsubasa a un gameplay qui reste sympathique et un mode en ligne. Mais c'est pas, voilà. Mais moi, le vrai problème, je pense que ces deux trucs-là, tu peux pas vraiment argumenter dessus, c'est juste objectivement vrai, quoi. C'est juste, ça prend du temps et c'est trop cher. Ça, quoi qu'il arrive, c'est vrai. Par contre, il y a un truc très, très, très, très grave. C'est qu'en fait, ça se cumule les jeux gacha avec, les YouTubers. Et le monde de YouTube actuel. C'est-à-dire qu'en fait, si tu joues à un gacha, bah là je prends Tsubasa par exemple, et bah tiens, il y a un nouveau personnage qui va sortir. Donc va y avoir des gens un peu intelligents qui vont juste te dire bon bah voilà, alors on va le placer dans un tableau, on va dire bah oui, vous voyez, lui il se place, du coup c'est le top 5, il est top 5 en tir, top 3 en tacle, enfin voilà, c'est un personnage qui est bien, il peut rentrer dans tel team. Mais ça, c'est vraiment pas la majorité. La majorité des gens, ils vont te dire textuellement, en gros, ouais, bon, bah, c'est le personnage le plus pété du jeu. Et en gros, bah, si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez oublier le PVP et votre compte est mort, quoi. Donc, en gros, les gens, en gros, sur YouTube, ils vont, en fait, complètement être déraisonnables sur, la réalité, en fait, du jeu. Par exemple, moi, sur Tsubasa, j'ai un gardien qui est pas considéré du tout top tier. Et je veux dire, ok, j'ai pas les nouveaux gardiens, mais je peux jouer sans aucun souci. Enfin, y a aucun problème. Le jeu, j'y joue comme n'importe qui. Et si t'écoutes les youtubeurs, bah, en gros, limite, mon compte, c'est un compte poubelle. Limite, je devrais, ce qu'ils appellent reroll, pour essayer d'avoir un compte meilleur que le mien, quoi. Ah ouais. Ce qui est complètement stupide. Et en fait, ça, c'est très, très grave. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu accentues par ta voix, en fait, en tant que youtubeur et de personnes qui donnent des informations sur le jeu, bah tu vas accentuer le fait que des gamins vont encore plus faire n'importe quoi avec le jeu. En fait, si tu présentes le jeu comme c'est un jeu de chance, donc tu récupères des persos, t'es content, tu récupères pas des persos, tant pis, tu finiras par en choper, et c'est pas un jeu qui pose problème. Mais si t'as des gens qui te disent « Ouais, putain, lui, il est pété, vas-y, je peux plus rien faire en PVP parce que j'ai pas tel perso. » C'était surtout sur Tsubasa au début, puisqu'en fait, à chaque fin de mois, il y a un personnage top tier qui sort. Donc t'avais des... sur les premiers mois sur YouTube, c'était « Ah, j'ai pas eu Diaz, du coup, ouais, en PVP, je peux rien faire et tout. » Alors que c'est totalement faux. Et bah ça, je trouve, c'est... Ah oui, ça, c'est ce que j'appelle les docteurs à méta, quoi. Tu vois, les... Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose que, quelqu'un qui va te dire que... qui va te dire voilà sur League of Legends ou un MOBA, ouais, tu joues tel personnage, mais attends, mais voilà, c'est hors méta, attends, il y a lui qui est beaucoup plus fort, alors que il va dire qu'il est beaucoup plus fort alors que dans la réalité des faits il y a 5% d'écart entre les deux persos. je sais pas, j'ai n'importe quoi, et donc du coup, bah, si tu joues bien, de toute façon, oui, et que t'as pas comment tu joues aussi faire des dégâts, ou du heal, et si tu joues correctement, bah, tu joueras correctement, donc t'as des chances de gagner, et c'est pas parce que t'as pris le nouveau perso que ça va changer quoi que ce soit. Mais ça, dans les, jeux, les jeux par équipe, ça me rend fou. Ça me rend dingue. Et ça, c'est une mentalité, en fait, qui se transmet à plein de jeux du genre, et je trouve, c'est encore, et je trouve un jeu où il y a de l'argent dedans, parce que pour moi, ces jeux-là, ça devrait être interdit au moins de 18 ans. Je sais pas si ça l'est, mais je pense que n'importe c'est des jeux d'argent par définition. C'est des jeux d'argent, et pour moi, à partir du moment où il y a un certain nombre de transactions qui sont faites sur le jeu, ils le feront pas parce que voilà, ils aiment bien gagner des sous, quoi. Mais à partir d'un certain nombre d'euros, tu devras avoir un message qui apparaît sur le jeu et qui te dit attention, blablabla, enfin un truc de prévoyance sur les jeux d'argent. Et avec, il y a un numéro. Alors pour info, c'est le cas sur la version japonaise. Oui, bah, en tout cas, sur la version globale, c'est rien. Pas le cas. Sur la globale, ça a été viré. Et je trouve ça inadmissible. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu ne sais pas te contrôler, et je suis désolé, ok, vous pouvez dire, ah, mais c'est qu'un connard et tout, mais franchement, même moi, des fois, j'ai déjà mis les 30 euros, machin, puis après, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai dépensé autant d'argent, enfin, c'est débile, enfin, genre, j'ai acheté des billes pour tirer des personnages sur un jeu portable ou quoi, j'en ai rien à secouer. Mais le problème, c'est sur le moment, bah, en fait, l'envie et la frustration de pas avoir le personnage que tu veux et tout, est tellement forte, bah, c'est une addiction comme une autre, quoi. Donc moi, je trouve ça, c'est ça qui est grave dans les gachas, je trouve que c'est complètement laissé en roue libre. Oui, oui, pour moi, mais il n'y a pas de régulation, hein, ça c'est clair. Actuellement, pour moi, c'est vraiment des arnaques. Parce que, en fait, c'est une publicité mensongère. C'est pas genre, viens jouer, vas-y, tu vas jouer avec les personnages de Tsubasa. C'est, viens claquer ta thune dans le jeu de Tsubasa. et actuellement, il n'y a pas de régulation. Donc, c'est, pour moi, il y a un vrai problème sur les jeux comme ça. Et voilà. Et le cumul, donc, des youtubeurs, de fait que le jeu, il t'arrête pas, etc. Le principe du jeu qui est fait sur la frustration de ne pas avoir les trucs avec des taux de drop très bas. Tout cumulé, je trouve que c'est vraiment pas bien. Après, et je pense que il faut que Google donne le Google Play Store, enfin fasse respecter des règles à ces jeux-là et qu'ils instaurent en fait des systèmes de protection pour les utilisateurs. Oui, je pense que de toute façon, il faut une législation autour de ces jeux. Il faut une législation, il faut faire quelque chose. Voilà, parce que je pense que vraiment, on peut ne pas se contrôler sur ce genre de jeu, c'est possible, et faire n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que oui, enfin, il y a eu le problème en Belgique avec Overwatch là, et les lootbox. C'est exactement le même principe. Hein. Voilà, on n'est pas très loin. Hein. C'est un peu le même principe. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire très très attention. Comme tu le dis, bon, nous on est des adultes et encore, voilà. Moi c'est pareil. Hein, des sommes ridicules malgré tout. Quoi. Bien sûr. Donc il faut vraiment faire très attention. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même étonnant que ces jeux aient autant de succès parce que on sait pertinemment. Alors après, voilà, peut-être que comme tu le dis, nous on est des adultes. Mais peut-être que c'est pas nous sûrement la cible principale de ces jeux, mais c'est quand même bizarre parce que c'est quand même nous qui avons le porte-monnaie, qui avons le ouais, mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait la cible elle est multi-âge. La cible elle cible le fan en fait, et le fan il a pas d'âge. Oui, sans doute. North Star Scan avec tous les personnages que t'as toujours voulu avoir. Garantie que voilà, tu as envie d'y jouer, même si le gameplay il est à chier, quoi. Ah oui, bah oui, et bien voilà, sûr. Tu joues les personnages que t'as toujours voulu. Oui, moi, tu me sors un truc au Kutonoken ou un truc qui a de la gueule où je peux y jouer, c'est clair que j'y jouerai, quoi. C'est con, hein, mais ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, c'est vrai. Bah, moi, c'est pour ça que je joue à Paladin Strike, hein, c'est parce que j'aime bien Paladin et que je retrouve les persos que j'ai bien aimé, alors que je vois le système et c'est pareil, c'est de la merde. Hein. Enfin, je veux dire, il faut acheter plein de trucs. Il y a des rôles et tout, enfin bref, tout ce qu'on aime, quoi. Mais oui, en effet, c'est une question d'univers plutôt que de gameplay, j'en conviens. Mais en tout cas, non, mais c'est intéressant ce genre de jeu, parce que c'est vrai que ça pullule sur les téléphones portables, et moi, c'est vraiment, ouais, je m'y suis mis, quoi, et voilà, Paladin Strike, je l'ai testé il y a un mois et demi, quoi. Vraiment, avant, j'ai jamais été en contact avec ce genre de jeu, et j'ai tout de suite vu le danger dans ces pratiques, quoi. Vraiment, c'est... Ça fait peur si tu sais pas te maîtriser, mais bon. Bon voilà, on arrive à 56 minutes de cast. On va s'arrêter là. Malheureusement, je vais pas déballer mon truc. Je vais le garder. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, on le dit tout le temps à chaque fois, mais je pense que ouais, mine de rien, faut même quasiment faire un seul sujet en deuxième partie parce que c'est vrai qu'on. Enfin après, ça dépend de ce qu'il y a à dire dessus, mais c'est vrai qu'on passe en général pas mal de temps dessus, c'est intéressant d'en parler. En tout cas, voilà donc pour ce numéro de septembre. Hein, c'est toujours sympa de se retrouver mois après mois là. Finalement, on a pris nos petites habitudes nous aussi. Exactement. Et puis on est bien, on est comme à la maison, hein, les vieux couples, tout ça. En tout cas, voilà, on vous remercie énormément. Alors je vais le dire parce que je pense que le prochain, on va essayer de se faire une saga Jurassic Park. On en a parlé. Je pense que ça va être fait ce mois-ci. On va se voir avec les garçons et la fille. Parce que là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'avec la saga Jurassic Park, il n'y a pas non plus 25 films. Hein. Donc ça va être assez vite fait. Il y a la trilogie originale plus les deux Jurassic World. On va essayer de parler de ça la prochaine fois. On va vous sortir un hors-série. Et puis bien sûr, vous retrouverez l'épisode classique qui sortira le 1er octobre ou début octobre. Je vais dire comme ça. Je ne vais pas annoncer les dates comme ça. Enfin, on le sait, nous, dans notre cœur, tu vois, mais pour que vous n'ayez pas d'attente. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de se retrouver mois après mois. Et puis, on vous retrouve donc ce mois-ci pour un autre épisode. Messieurs, je vous souhaite la bonne soirée. Voilà, moi, je retourne sur Magic Arena à les débuts. Voilà, bonne soirée. Allez, ciao. Salut tout le monde. Ciao.